Mesdames, messieurs, la radiodiffusion et télévision française vient de vous présenter par transmission différée en nouvelle diffusion le spectacle de la Comédie française Salle Richelieu à Paris. Vous avez entendu Les Femmes Savantes, comédie en cinq actes en vers de Molière, avec le concours de messieurs Maurice Escange, Jean Debucourt, Jacques Charon, Georges Baconnet, Henri Roland, avec mesdames René Faure, Micheline Boudet, Lise Delamarre, Hélène Perdrière, André de Chauvron, Julien Jacques Rameau et la voix de Roland Alexandre. Mise en scène de Jean Meyer.